C'est visible à l'œil nu, les immeubles tanguent. Et voici l'intérieur. 2 minutes sans interruption. C'était le début de l'après-midi. Les Japonais travaillaient, faisaient leurs courses ou promenaient les enfants. Gâchant leurs munitions une fois de plus, les jeunes soldats de la Révolution entament avec entrain leur 4e semaine de combat. Pourtant ici, tout le monde le sait, les armes commencent à manquer et les corps sont fatigués. Bonsoir à tous. Recueillement, deuil, mais aussi union nationale et solidarité. La Norvège fait front après l'Europe de l'Ouest. Dans l'actualité ce soir, l'incroyable sauvetage au large de la Corse. Les 6 occupants de l'avion portés disparus hier ont été repêchés sains et saufs après 6 heures passées dans l'eau. Le pilote était parvenu à poser l'appareil sur la mer. Il sera notre invité au début de ce journal. Leur expérience pourrait se développer en France. C'est déjà le cas aux États-Unis. Nous verrons si le système est efficace. Oh, c'est très probable. Il est à peu près certain que Kenneth Thompson, l'avocat de Satou Diallo, dira demain publiquement, donnera demain publiquement la teneur. Un monde est rentré chez moi, la porte reste fermée, mais les fleuves d'Asie se déversent à mes pieds. Le feu des forêts et des villes brûle ma peau. Aucune cendre ne vole ici, et pourtant je crois en ce spectacle si beau. Tout ça reste si loin, si proche. Quand la nuit s'avance, une mire multicolore que je règle pour mieux saisir les nuances de sang qui coulent au dehors. Mon appétit s'agrandit, je deviens ontophage. L'actualité fait de moi son otage. Tout ça reste si proche. Lorsque ce monde apparaît du néant de sa boîte, moi je ressens la jouissance d'un imposteur. Et mes doigts courent d'une image à l'autre. Je peux choisir, détruire ou rebâtir, embrasser l'univers. L'univers cathodique. Tout ça reste si loin, si proche. Si proche. Maintenant, vos cagnottes individuelles sont additionnées et liées les unes aux autres. Pendant le prime, c'est Dorine qui a obtenu le plus grand des sésames. Elle a le pouvoir des nominations. C'est le plus grand pouvoir qu'on puisse avoir ici dans la maison. Elle devait nominer 2 garçons et 2 filles. C'était la première fois que tout le monde était en danger. Enfin presque, car Marie, en allant dans la salle des coffres, a obtenu la carte Joker. Cette carte va lui permettre de changer. J'ai passé la frontière. Je suis venu de l'autre côté. Mais voyez de quoi j'ai l'air. Je me parle de mes problèmes. Je m'ennuie à mourir. Mais non plus ça qu'il y a de pire. C'est qu'il n'y a que ça que j'aime. L'œil du monde entier. Chacun joue son meilleur rôle. pourquoi il est doué, tortionnaire ou comique, pas drôle. Mais tout ça n'est pas très net, j'ai trouvé encore mieux, populiste et merveilleux. Pas de quoi faire de moi un homme honnête, pas de quoi faire de moi un homme honnête. Tout ça semble